Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre d'Alain Claude. Alain Claude est un artiste international qui expose notamment en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et bien sûr en Lorraine. Alain est un ancien artisan ébéniste d'art qui réalise aujourd'hui tableaux et sculptures en marqueterie. Mais allons tout de suite à sa rencontre. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur la radio Fadjet. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission Monsieur Alain Claude. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va très bien, oui. Comme tous les jours, moi ça va très très bien, surtout avec le temps aujourd'hui où il y a du soleil, c'est super bien. Ça va toujours super bien. Alors Alain, ce que je te propose, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Faire un petit peu d'historique. Oui, j'ai commencé par être ébéniste d'art, artisan ébéniste d'art dans ma vie, où je faisais de la restauration de meubles, de la copie et de la création de meubles. J'ai fait les beaux-arts avant et j'ai appris aussi le métier chez mon père qui était artisan depuis, ça fait 4 générations, où on faisait ça dans la famille. Et je me suis mis à mon compte à 23 ans. Jusqu'à ma retraite, j'ai pris à 62 ans et ensuite je me suis mis artiste. Artiste, donc tu es artiste. Alors en fait, tu es artiste. Donc tu es quel âge alors? J'ai 75 ans. 75 ans, on peut le dire, on le dit. Ah ben, mais moi ça ne me gêne pas. Moi là, l'âge c'est qu'une affaire de date. C'est qu'une affaire de date. Dans la tête que ça se situe. D'accord. Et donc en fait, pour moi, tu es artiste depuis l'âge de tes 23 ans, puisque tu étais déjà dans l'artisanat d'art en fait. C'était de l'artisanat d'art. C'était un peu différent de ce que je fais aujourd'hui, parce que je faisais de la reproduction, je copiais. Mmh. Par exemple, pour les marqueteries, je recopiais des marqueteries, par exemple, du 18e, 19e ou autre, comme les meubles boules, où j'employais de l'écaille, du laiton, qu'on fait plus aujourd'hui. Mais ça m'a donné quand même, ça a toujours été un métier artistique. Mmh, c'est où je faisais mes dessins, je créais mes propres, quand je faisais de la création, je créais mes propres œuvres. Même avec de la marqueterie qui était différente déjà, qui était plus contemporaine. D'accord, qui était plus contemporaine. Ouais. Donc là, et ces savoir-faire, tu les avais appris, étudiés en ayant fait les beaux-arts, c'est ça ? J'ai fait les beaux-arts, mais surtout le métier, là, je l'ai appris avec mon père. Tu l'as appris avec ton papa. Dans l'atelier. C'est un métier, il faut 10 ans d'apprentissage. 10 ans d'apprentissage. Ah oui. D'accord. Parce que quand vous sortez avec un CAP d'ébéniste, vous êtes loin de faire ce genre de travail. Oui, après, c'est tout des combines d'ateliers. Puis pour travailler comme on pouvait travailler au 18e ou 17e, ça s'apprend. D'accord, on n'apprend pas ça à l'école. Parce que tu pouvais faire aussi bien des meubles ou restaurer des meubles du 17e ou 18e siècle. C'est ce que je faisais. C'est ce que tu faisais, oui, d'accord. Tout à fait. Vraiment de la restauration de... Ah bah de meubles, de très grands meubles, de grandes signatures d'ébénistes de l'époque. Mmh. Donc des commodes, commodes, cabinets... horloges, tables, tout ce qu'on peut imaginer en meubles, des horloges, des cartels. Mmh, d'accord. Des cartels qui se faisaient sous boule. Oui, oui. D'ailleurs, les cartels Louis XIV. Hein. D'accord, donc des pièces en même temps, aujourd'hui, ça se fait. Musée. Carrément des autres. Ah oui, parce que je travaillais musées, également pour les monuments historiques. Tu travaillais également pour les monuments historiques, d'accord. Donc, tu as fait ça pendant. J'ai fait ça de l'âge de. 23 ans. Je me suis mis à mon compte, 23 ans. 40 ans. 40 ans. Plus avant, comme j'étais né dans le milieu, je bricolais déjà. Tu bricolais déjà. Mon père disons que depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé, 16 ans, j'ai commencé dans ce domaine-là. Oui. Mais avant, je bricolais toujours avec mon père. Je me souviens, j'étais toujours à l'atelier. Dès ton plus jeune âge, finalement, tu as commencé. Voilà, tout à fait. D'accord. Et après, à la retraite, comme je dis, j'ai dit, je vais changer, il faut que je fasse quelque chose de très contemporain, de la création pure et simple, tout en utilisant les mêmes matériaux, parce que la technique est toujours la même, mais j'utilise des matériaux qui sont un peu différents, parce que depuis, il y a eu des plaquages modernes qui se sont faits, comme les plaquages teintés. Mmh. Donc là, tu parles de marqueterie. De marqueterie, le plaquage, c'est la marqueterie. Oui, le plaquage oui. est un bois très fin, qui font environ 1 mm d'épais, et les plaquages modernes sont des plaquages, c'est notamment souvent du sycomore, qui est teinté, alors en rouge, en vert, en bleu, enfin, différentes couleurs. D'accord, parce qu'un jour, je ne sais pas si on l'a précisé au début, mais donc tu es un artiste des arts visuels, mais qui travaille principalement la marqueterie aujourd'hui. Bah, la marqueterie, puis le bois massif, parce que je fais également de la sculpture. Et dans mes tableaux en marqueterie, j'essaie d'apporter aussi différents matériaux, comme du métal, du verre, du papier, du plâtre. Mmh. D'accord. Mais alors, comment on te classifie, comment tu te définis, toi, aujourd'hui, dans le champ des arts visuels? Oh, alors là, c'est difficile. Là, je sais pas. Tu dirais que tu fais quoi? Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais vraiment de la création contemporaine, du surréalisme, je sais pas définir vraiment. Non, mais c'est, par exemple, si tu veux, un peintre, il va dire qu'il est peintre. Oui, je suis. Je travaille, disons que je travaille le bois. Voilà. Tu travailles le bois. Au départ, c'est quand même le bois au départ. Mm-hmm. Et après, je peux faire des tableaux où il n'y a pas de marqueterie, mm-hmm. où je peux mélanger simplement du bois avec de la peinture, mm-hmm. du métal, mm-hmm. où il n'y aura pas de marqueterie, où il y en a d'autres, il y a de la marqueterie, c'est-à-dire du plaquage mélangé avec de la peinture. Mm-hmm. Alors c'est vrai, hein, tu m'as montré un petit peu tes représentations, parce qu'aujourd'hui, tu me reçois dans ton showroom, dans ton atelier à Liverdun, et effectivement il y a des représentations qui sont faites soit sous la forme de tableaux, soit sous la forme de sculptures, hein, il y a les différents, donc c'est un univers mixte à la fois tableaux et sculptures, tout à fait, toujours en travaillant le bois, mmh. ou massif ou marqueté. Alors donc pourquoi t'as attendu de prendre ta retraite pour te lancer en tant qu'artiste? Parce que il fallait que je vive. Moi, mon métier me faisait vivre. Oui. Que le métier d'artiste, comme je le fais aujourd'hui, pour en vivre, c'est hyper, hyper difficile quand même. Oui. Ah, voilà. Oui. Et j'avais pas le temps de faire l'artiste à l'époque où j'étais artisan. Mmh. J'avais énormément de travail. Je tournais, j'avais 2 ans et demi de travail d'avance en permanence. 2 ans et demi d'accord. À l'époque, c'était une clientèle peut-être un peu spéciale, mais qui attendait parce qu'ils voulaient des belles pièces. Mmh. Et j'ai vu sur de la restauration, j'ai travaillé sur du 500 heures de travaux de restauration sur un meuble. Ah oui, l'ébénisterie d'art. Vraiment de l'ébénisterie d'art. Hein. Même sur de la création ou des copies que je faisais, je pouvais passer 100, 200 heures dessus. Oui, d'accord, donc là, il ne fallait pas compter son non, temps. Non, on ne connaît pas, oui. Mm-hmm. Bah, c'est pareil, le temps, c'est pas le temps. Il fallait que la pièce soit terminée et belle. Et là, tu pouvais travailler aussi donc sur des pièces d'antiquité, pièces de... D'accord, restauration. Oui. Voilà. Et j'ai travaillé aussi par moments avec des antiquaires. Mmh. Donc, t'as pu faire des pièces pour quel musée j'ai jamais fait de... Je restaurais des pièces. Oui. Mais je faisais pas de pièces pour le musée. Oui, alors t'as pu restaurer des pièces pour quel musée, par exemple? J'ai travaillé sur l'école de Nancy, sur Majorelle. J'ai fait beaucoup recopier, restaurer des pièces de Majorelle, Galet, où j'ai fait des copies aussi. D'accord. Des clients qui avaient des meubles, salle à manger ou autre, et qui voulaient un petit meuble de complément, mais qui correspondent à la ligne de Galet ou Majorelle. Mmh. D'accord, donc par exemple, là régulièrement, la villa Majorelle est ouverte au public. Oui. Donc, ce qu'on retrouve dans cette villa, toi aujourd'hui, c'est des choses que tu sais faire. Que tu as fait à l'époque. Bien sûr. D'accord. Je peux le faire. Mais aujourd'hui, c'est le passé. Ça, c'est voilà. Maintenant, je ne parle plus du passé. C'est pas, le passé ne m'intéresse plus, c'est mon passé. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais aujourd'hui. Surtout ce que je vais faire demain. D'accord, l'avenir, c'est là. Hein, c'est vrai que, et puis ça correspond peut-être plus maintenant au fait que tu te sois lancé depuis quand même quelques années en tant qu'artiste. Tout à fait. Mais c'est cette démarche-là aujourd'hui qui t'intéresse vraiment. Tout à fait. Moi maintenant, le meuble, la restauration, tout ça, c'est fini. D'accord. C'est fini. Alors merci pour cette première partie où Alain, tu t'es présenté à nous en tant qu'artiste, en tant que personne. Et on va écouter, on va faire une première pause musicale avant d'arriver tout de suite sur la seconde partie. On retrouve Alain qui nous explique son domaine créatif artistique. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent. J'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Vivre pour le meilleur. signe. Et femmes qui pleurent leurs enfants, mais restent dignes. Toi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font, dans l'émission Portrait d'artiste avec Alain Claude qui nous reçoit aujourd'hui dans son showroom à Liverdun et qui va désormais nous parler un peu plus de ses activités artistiques. Alors Alain, dans quel univers évolues-tu au niveau de tes créations artistiques? Alors mon univers, je crée beaucoup sur des sujets personnels ou ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit politique, des événements gay, pas gay, sur tout ce qu'on peut voir, mais c'est surtout et surtout sur la femme, parce que je fais énormément de tableaux ou sculptures sur la féminité. Donc c'est vrai que tu as des représentations très intéressantes sur la féminité, hein, mais pas uniquement effectivement comme tu l'évoques. Et alors pourquoi par exemple tu as choisi de mettre en avant la féminité justement? Bah parce que j'ai toujours bien aimé les femmes. Et puis je trouve que c'est là où il y a les plus belles formes. Sur les corps de femmes, il y a des super formes. Et elles m'inspirent énormément. D'accord. Mais je fais quand même c'est de la création beaucoup plus abstraite. C'est quand même pas de la femme très... c'est pas du figuratif. Oui, c'est pas du figuratif, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. Voilà. Hein. Non, mais des fois, dans la présentation artistique, t'as des choses. Il y a certains tableaux ou sculptures qui peuvent être un peu érotiques. Voilà, sans choquer. Voilà, c'est plus éventuellement de l'érotisme que tu présentes sur la partie des œuvres dites féminité. Oui, beaucoup. Mais oui, c'est pas du porno. Non, voilà. C'est sûr. Non, mais ça choque pas. Non, voilà. Tout le monde peut les voir. Voilà, ah oui, les enfants, même s'ils viennent à une expo ou à un showroom, mais c'est pas interdit au moins de 18 ans. Hein. Jusqu'à présent, j'en ai pas eu. Non, puis c'est pas mon but. Mon but est de donner quelque chose qui soit agréable à regarder, pas quelque chose de choquant. Même si j'aime bien choquer dans mes tableaux ou sculptures les gens pour les attirer sur quelque chose. Alors tu joues sur les couleurs, quelquefois tu te sers des peintures, mais surtout tu essaies d'assembler en fonction des pièces. Comment tu t'y prends ? Tout à fait. Mes tableaux sont essentiellement faits en marqueterie. Alors avec des bois différents, que ce soit des bois naturels ou des bois teintés. Et ça, je les prends parce que je fais sur certains tableaux des dessins, je découpe mes morceaux et suivant, étant donné que maintenant je connais quand même pas mal les bois, les fils de bois, les couleurs de bois, ça me permet d'aller choisir immédiatement dans mon stock pour assembler les fils, que ça donne du relief aussi, du volume au tableau. Mmh, parce que pour ça, il faut déjà bien comprendre les éléments de marqueterie que tu utilises. Tout à fait. Voilà, donc ça fait quoi, 50 ans que tu manipules la marqueterie ? Oui, peut-être même plus. Peut-être même plus. Voilà. Donc tu dois visualiser. Voilà, je connais parfaitement les bois. Même encore aujourd'hui, il y a des bois que je connais pas tous les bois. Il y en a tellement, ou alors je me souviens plus. La variété est infinie. Ouais, c'est énorme. Et donc tu retravailles, tu vas couper le bois en fait. Ah je découpe parce que la marqueterie c'est ni plus ni moins qu'une feuille de plaquage de bois. Bon, mettons que ce soit de l'acajou, qui fait environ 1 mm d'épais. Là-dessus. Je dessine, je fais un gabarit que je mets et je découpe autour de mon gabarit quand c'est gros, sinon je découpe à la scie, ce qu'on appelle la scie à plaquage. D'accord. Voilà. Ah oui, on peut pas découper la marqueterie comme ça avec une simple paire de ciseaux. Ah non. Ou avec au scalpel ou cutter, ou alors ce qu'on appelle une scie à marqueterie, une scie d'accord. à plaquage. Et toi, c'est ce que tu utilises, une scie à plaquage? La scie et le cutter. D'accord. Là, parce que vu ce que je fais, il y a des fois, je suis obligé d'utiliser ça, ou quelquefois le scalpel, parce que les morceaux sont tellement peu petit que je suis obligé de... Je les travaille avec ça. D'accord, donc faut déjà bien connaître les bois aussi pour comprendre comment ils vont pouvoir bien se découper et s'assembler ensemble. Tout à fait. Et pour donner, comme je disais tout à l'heure, de donner le relief et le volume au tableau. Pour mettre certains fils de bois qui se croisent ou se joignent dans un effet d'optique qui fait que ça donne du relief. Alors dans la pratique, avant de faire ton assemblage, tu as créé ton gabarit, donc comment tu le crées ton gabarit ? Je le dessine. Tu fais un dessin ? Je fais un dessin. Et puis je fais mon dessin. Bon, déjà, je prends un panneau, qu'il soit de contreplaqué ou de particules. Je dessine ce que je veux faire, comme je t'ai montré tout à l'heure, parce que étant donné qu'on est à l'atelier. Oui. Et là-dessus, après, je prends mon calque, je fais des calques, je dessine. Ah, tu fais un calque. Oui, je dessine sur mon gabarit. Je découpe mon gabarit à la scie à plaquage. Je pose mon gabarit dessus. Alors, ou je découpe avec la scie à plaquage, ou je découpe au cutter. Tout dépend. D'accord. Ou alors, s'il y en a plusieurs, des fois, je mets plusieurs couches de plaquage pour donner le même effet. Mais du coup, dans ton dessin, tu vas devoir définir les bois que tu vas utiliser, puisque comme il y a différentes couleurs. Ah, tout à fait. Hein, puisque tes représentations, elles sont colorées. Oui, c'est coloré. En général, bon, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Avec, je crois, tu as des couleurs préférées. Le rouge et le bleu, oui. Le rouge. Hein, puisque là, on a mon autoportrait que je me suis fait. Là, c'est le rouge et le bleu. C'est vrai que c'est mes couleurs préférées. Il y avait le rouge et le noir de Stendhal. Et le rouge et le bleu. Mais il y a aussi des différents... Beaucoup. Hein. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du bleu. Oui, c'est très coloré. Les yeux, il y a un petit peu de tout. Il y a du noir. Ce qui est surprenant en marqueterie, parce que souvent, on retrouve du couleur bois, un peu bois clair ou bois foncé. Oui, mais ce qui est utilisé dans les marqueteries anciennes. Les meubles ou les marqueteries anciennes étaient faits comme ça. Mais aujourd'hui, il y a eu des marqueteries, ce qu'on appelle des placages contemporains, qui ont été faits, c'est ce que je disais. C'est souvent du sycomore, mais qui est teinté. Alors, on a des teintes rouges, bleues, des teintes vives qui n'existent pas dans le bois naturel. Mais est-ce que tu dois retravailler aussi l'épaisseur du plaquage ? Oui, bien sûr, parce que le plaquage, quand on le plaque, il y a des fois la colle, ça fait des petites bosses, il faut reponcer. Il faut y aller très très léger, parce que le plaquage fait environ 6-7 dixièmes d'épaisseur. C'est fragile. C'est très fragile. Oui. Il faut qu'il y ait un support super plan, bien plaqué. Bon, on met à la presse, et puis c'est bien pressé, et après on donne un petit coup de machine ou à la main, enfin, petite ponceuse ou vibrante ou rotative, ou alors poncée à la main. Mais ensuite, tes pièces de marqueterie, une fois qu'elles sont découpées pour les faire tenir sur ton support, comment tu les fais tenir ? Avec du scotch. Avec du scotch ? Ah oui, j'assemble mes morceaux avec du scotch que je colle entre pour me donner le motif. Ensuite, je mets la colle. Et tu mets une colle, d'accord. Colle. Je plaque sur mon support. On met des presses. Et je laisse moi sécher à peu près une douzaine d'heures. Le lendemain, on enlève et puis on racle la colle, comme on dit, la colle qui chie. Et puis après, on passe au ponçage. Et ensuite, c'est le vernissage. Vernis ou ciré, ça dépend. Mais moi, je mets toujours un petit vernis satiné. Et je ne fais pas de tableau brillant comme on pouvait le faire avant sur les plaquages. Parce que j'aime bien garder le ton naturel du bois. D'accord. Donc en même temps, la plupart du temps, c'est quand même la marqueterie, la couleur, c'est la couleur originale. Oui, de bois. Et toi, ce que tu réussis à faire dans tes représentations marqueterie, c'est de la couleur, ce qui n'est pas commun finalement. Oui, j'utilise les plaquages modernes, oui, c'est vrai que... C'est une innovation. C'est une innovation, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui utilisent ça. Surtout quand on fait des meubles, parce que j'ai fait de la création de meubles aussi. Sur la fin, ces plaquages existaient. J'utilisais aussi des plaquages un peu teintés comme ça aussi. Alors, on va arriver un petit peu vers la fin de notre émission. Alain, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, des choses qui sont à venir très prochainement ? Alors, à mon actualité, ensuite, je fais une exposition de 3 semaines au Luxembourg. D'accord. Alors, c'est où, ça, au Luxembourg, c'est à Bertrange, au City Concorde. C'est dans un centre commercial qui nous accueille. C'est une expo collective. Et là, je mets des sculptures parce qu'on m'a demandé de mettre des sculptures. Alors, c'est quand, c'est l'exposition ? C'est du 7 avril au 20 avril. Au 20 avril, voilà, d'accord. Voilà, et à Bertrange. À Bertrange, oui. Au City... À Luxembourg, au City Concorde. Au City Concorde, ouais, d'accord. À Bertrange. Ensuite, je fais une expo aussi qui est fin juin, début juillet, à Luxembourg, dans le parc de l'ambassadeur de Hollande, où là, ça s'appelle Gardenard. Où le parc est ouvert au public pendant 3-4 jours. Où des artistes, dont je fais partie, exposent des sculptures en plein air et également des tableaux. Alors les tableaux sont représentés, sont photographiés, nos tableaux, sur des bâches, et les bâches sont disposées d'une façon très, très artistique, jolie, dans les arbres, dans le parc, sur les murs, tout ça, c'est quelque chose d'unique. Finalement, j'ai jamais vu une expo comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui exposent là. Oui, je pense qu'il y a eu une vingtaine d'artistes. Toutes ces expos là, c'est international. C'est des expos, oui. Parce qu'il faut préciser que Alain Claude est un artiste international. Oui, je fais beaucoup d'expos. Qui expose donc au Luxembourg, en Suisse. Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, tous les pays limitrophes. Oui, absolument. Voilà, plus en France, puis dans la région. Merci de penser à ça. Mais c'est sûr. Non, mais je fais aussi, il n'y a pas que ça. Je fais des expos comme ça, je ne pars pas pendant les 3 semaines. D'accord. Je reviens, mais il faut quand même avoir du temps pour créer. Bien sûr, oui, ça prend du temps. Voilà, mais ça, c'est les prochaines. Et puis après, il y a aussi Déodard, une expo à Saint-Dié qui a lieu au mois de juillet. Je fais une exposition aussi au mois de juillet à Saint-Dié au Cloître, c'est uniquement une exposition de sculptures. Et ensuite, je fais aussi, en juillet, c'est fin juillet et début août, sur juillet et août, l'expo, le Symposium mondial de sculpture à Mirecourt. D'accord. Alors là, c'est mondial. Hein. Ouais, mondial. Et c'est quand ça ? C'est la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août. Les dates, je ne les ai pas, mais voilà. D'accord. Donc, ouais. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver sur Internet ? Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux ? Je suis sur Facebook et puis sur Instagram. Sur Facebook et Instagram. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait comme on... Facebook Alain Claude. Et puis Facebook Alain.Claude 1950. D'accord. Ouais. Et à partir de là, on peut retrouver... Mes calendriers, il y a toutes les expos que je fais, les créations que je fais, et puis tout ce que je peux, l'avenir, mais pas le passé, parce que voilà. T'es plus intéressé par l'avenir. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien, comme je dis, moi, le plus beau, c'est ce qui va arriver demain. D'accord, j'allais te proposer de dire le mot de la fin. Ah bon, ben voilà, alors c'est le mot de la fin. D'accord. J'ai été très content de faire cette interview avec vous, Radio Fadjet. Eh ben super, merci. Romain, merci. Merci à toi, merci pour ton accueil. À très vite. Au revoir, au bientôt. Au revoir, à bientôt.